Donc il y a du monde aussi avec toi du coup, parce que là il y a l'équipe Big, Zif, CDG, Mani. Ils ont su. Il y a Zifou, si j'ai bien compris. Qui est Zifou? Non, c'est pas Zifou, ouais. Si, oh. Si. Tout à l'heure, il m'a. Ah, ben ouais, je suis un ouf. Je suis un ouf. La bagarre. La bagarre de ouf. Parce qu'il me dit, il y a Zifou, il m'a ramené des prods, tout ça. Donc, tu sais, moi, je cherchais un autre, tu vois. Il t'a dit Zif. Vas-y. La bagarre. Donc, grosse dédicace à CDG dans les studios. C'est le gars, j'essaie de ça. Big up, les gars. Allez, on est ensemble. Et il y a d'autres mecs là qui sont avec vous. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter ou est-ce que tu peux les présenter en passant? Déjà il y a le sang de la veine, tu vois. Le sang de la veine. C'est lui, c'est le sang, c'est William, tu vois. C'est lui qui me produit en quelque sorte, tu vois. Ok. Le sang de la veine. Qui gère tout ce qui est prod, tout ce qui est enregistrement, mixage, tout de A à Z, c'est lui. Yes. Ensuite là j'ai le petit Mani à côté de moi, tu vois. Yes. C'est la relève de VLP Music, hein, le petit jeune. J'ai Louis. Mon ouvrier, c'est un gars qui travaille avec moi, tu vois. Ok, un bosseur, un bosseur. Jolini, Jolini, un gars sur lequel je suis en feat là. On va balancer plus tard une petite exclu et... Ok. Il sera présent. Une grande équipe qui est arrivée alors. Ouais, grosse équipe là, ta famille là. Si. Ben, ça fait plaisir et puis comme d'hab, hein, les portes elles sont ouvertes. Dès qu'il y a des projets, tout ça qui arrive comme d'habitude. Est-ce qu'on commence direct? Est-ce que t'avais un truc à dire ou... Non, on y va direct. Je fais un constat, il y a plus d'équipes hors de Besançon que de Besançon en vrai. Ouais. C'est ouais. Simple constat, hein. Ben faudrait qu'on regarde depuis le début s'il y a plus de mecs de Besançon ou de l'extérieur qui sont venus. Pas tellement. Là, je te dis parce que je suis dans les vidéos là en ce moment. Ouais. Et je rattrape toutes les vidéos comme je te disais tout à l'heure là, il y a plus de mecs hors de Besançon. De Besançon. Voilà. Ouais, écoute. Simple constat. Voilà. Simple c'est constat. Tout. C'est dit. C'est bonne dit. Soirée. À bientôt. Donc ce soir, donc je vais un peu redire et redire, ben surtout pour ceux qui nous rejoignent, les auditeurs qui nous écoutent un peu partout. On reçoit Zama Lepit en première heure, donc 22h, 23h. Peut-être qu'on va déborder un peu. Il est 22h07 exactement. Donc interview, on diffuse les morceaux. On parle un peu de toi, on va dire en surface, et puis après on ira un petit peu creuser. Normal. Pas trop. Non, cool. Tu vois, lui, il dit quoi? Cool. Ah, mais cool. Ah, je m'attends au pire. Non, on sait jamais. On est absent des réseaux, tu vois. Cool. Donc, Zama, comme tu peux un petit peu le savoir, on a un rituel en début d'émission. C'est le jingle. Donc, en fait, nous, on s'est amusé à faire un jingle. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient, on lui demande de faire son petit jingle. Donc on a Radio Sud 101.8, radiosud.net. Après tu peux faire ton petit big up, tu fais comme tu veux. Juste tu présentes l'émission, puis l'émission elle est partie, puis après on passe aux questions direct. Ok, vas-y. C'est bon. C'est alors bon. Jounes, tu nous mets le petit jingle. Ouais, la SACEM. En espérant qu'on se fasse pas boycotter. Attends, cette je passe un message à la SACEM. Écoutez bien, c'est produit par nous. Donc vas-y, envoyez une cache quoi. Vas-y. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Ciao. Jounes. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Ouais, Zama le pit sur la 25e. Les jaloux me font de la peine. Fallait pas me laisser sortir les couilles pleines. Je vais tout baiser. Oh, crane des gains, oh. Si. Oh, oui. Oh, crane des gains, oh. T'as tchè le pastaga, oh. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas? Comment va, oh. Tu ne laisses pas rentrer, gros. Moi, je dis, tu vois, pour la dernière, surtout que là, on a un vrai accent. On peut essayer de la faire avec l'accent jusqu'au bout, mais ça va être dur. Oh, hein. Putain. Oh, putain. On peut essayer. Les couilles, oh. Après, je dis ça comme ça. Ah, ça va être compliqué, gros. Au bout de deux phrases, ça va être oublié, tu vois. Mais... Je dis que les mêmes mots. Vas-y. Crane des gains. Ah, après, c'est plus la sud-sud, c'est franco-sud, tu vois. Ouais, franco-sud. C'est franco-sud. Ça se dit ou pas? Franco-endroit, un peu sud. Le sud de la Franche-Comté. C'est ça. Donc d'ailleurs, c'était une question que je voulais te poser. T'es d'originaire où exactement dans le sud? Montpellier. Montpellier. Ok, d'accord. Et t'as atterri en fait à Luxeuil. J'ai atterri à Luxeuil. Ok. C'est ça. D'accord. Le chemin est bizarre quand même, hein. Enfin, ouais, ouais. Moi j'aurais fait l'inverse. C'est loin, aussi, loin. Je serais parti. Ah, je reviens de loin. Ouais. T'es là, t'es à Montpellier, palmier, tout ça. Tu te réveilles, waouh, luxe. Après, en fait, Montpellier, c'est bien, c'est le soleil et tout. Mais quand il n'y a pas de boulot, ouais. Tu vois ce que tu dis ou pas? On va. Tu pas à Luxeuil, frère. On va. Non, Luxeuil, après... y a pas de boulot non plus. Ah, avant Luxeuil, en fait, si tu veux, j'étais à Mulhouse pendant okay. quelques temps. Et puis après, je suis venu à Luxeuil par hasard. Hein. Ouais, j'ai déposé un CV. Le gars, il m'a appelé le soir, il m'a dit, écoute, tu commences lundi en CDI. Ok, d'accord. Vas-y. Du coup, je suis là. Ok, boulot, boulot, boulot. Ah, c'est le destin aussi. Le destin, il a fait que, tu vois. Si, si. Ok. Il a fait que, on a fait des rencontres. On a rencontré William, on t'a yes. rencontré toi, Younes. Moi, non, on s'est pas rencontré. Non. Non, non, je te connais pas. Ah, ok, ok, ok. Ah, il commence en clash, en fait. Tout doux, tout doux. Cool, cool. Zama, si je vais sur les réseaux là tout de suite, je prends mon téléphone, je vais sur YouTube. Je fais comment pour retrouver ton clip? Zama Le Pit. Alors Zama, Z-A-M-A espace Le Pit, L-E-P-I-2-T. Ok. C'est comme Brad Le Pit. Oh. Son cousin. Ok. Merci. Donc il fait des blagues aussi. Il fait des blagues aussi. Merci. Merci. Donc Zama Le Pit sur YouTube, t'as une chaîne officielle, on va dire? Non, pas de chaîne officielle à mon nom, mais... En fait, il est sur Vatos Locos Production, en fait. Ok. Ouais. Donc et si je comprends bien, c'est toi Vatos. Ouais, c'est hein. ça. Ok, d'accord. C'est ça. C'est le frérot, exact. En fait, qui met tous les artistes du crew un peu sur sa chaîne. Quoi. D'accord, ok. C'est pas mal cette chaîne, hein? Ouais, c'est pas mal. Il y a pas mal d'abonnés, 700 abonnés. C'est de faire tourner au maximum. Pas mal de vues. Pas mal de vues aussi. Non, c'est bien. Ça tourne, ça tourne. On essaye, on essaye. Ok, bon, on parlera un petit peu de VLP après. On prendra le temps d'en discuter. Instagram, pareil, Zama Le Pit. Zama Le Pit. C'est tout récent, Instagram. Hein, je dois voir. Oh, il y a R. 30 abonnés. Oh, il y a rien café, à gratter sur tes réseaux. Hein. Eh non, il y a R. Rien à gratter. Ah, tu peux pas. Ah, tu m'as laissé en chien. Hein. Ah, putain. J'étais là, 5 publications. Pff, vas-y, vas-y. Non, non. Dire, hein. Bah, sur Insta, c'est sûr que tu trouveras pas grand chose. Vas-y, okay. donne la suite. Facebook, ouais, un petit peu plus. Ouais, je suis beaucoup plus présent sur Facebook. Ouais, mais c'est quoi, Insta, c'est quoi ton Facebook? Zama Le Pit. Zama Le Pit aussi. Zama Le Pit, tu trouves, on poste tout ce qui est instru, tout ce qui est nouveau son, que ce soit moi, Mani, Giunini, Nice, un peu toute l'équipe, quoi. Ok. Et tout ça, c'est quoi? C'est un crew ou chacun un peu en solo et tout le monde bosse ensemble? Ou est-ce que vous avez vraiment peut-être un nom d'équipe ou, tu vois? Ben en fait, moi, comme je le vois, c'est un peu des deux, tu vois. Mm-hmm. On a un crew parce qu'on bosse ensemble, tu vois. On okay. donne nos avis. Okay. Si quelqu'un fait de la merde, on va lui dire tu fais de la merde. Mm-hmm. Tu vas se dire ou pas? Mm-hmm. C'est mieux qu'on se dise des choses. Mais après, pour l'instant, on est un peu tous à faire des sons de son côté, tu vois. Okay. Et puis... Après, il y a pas mal de projets en feat avec Mani, Giunini, Nice, okay. AK-47 encore. Ok. Il y a Enzo Rezo aussi, faut pas l'oublier le frérot. Ah oui. Et ça, c'est tous des gens de Luxeuil et les environs là, que tu me dis. Ouais, c'est ça. C'est ok, ça. D'accord. Oh, ouais, ouais. Donc il y a du monde. Mm. Ok. On a dit quoi? On a dit Insta, YouTube, Facebook, Snapchat. Pareil, Zama Le Pit. Ouais, c'est ça. Pareil. Et est-ce que toi, t'es sur SoundCloud ou... Parce que la dernière fois, on nous a parlé de SoundCloud. Hey, c'est quoi SoundCloud? Pas SoundCloud, qu'est-ce que tu racontes? Je suis SoundCloud. Essaye de dire un accent quand même. Je suis de Besançon, ouais, tu connais pas ou quoi? SoundCloud, ouais, je t'en fous, toi. Non, on connaît non. pas en vrai. Ok, ok. Parce que c'est une plateforme aussi, apparemment, pour les sons. Bon, je sais que c'est connu un peu, mais ouais. Moi, je m'en sers pas. Je connais, enfin, autour, voilà, j'ai pas forcément de... Donc, je te demandais en passant. Non, si pas. C'était sur SoundCloud. Je connais pas, tu vois. Ok. Écoute, tu m'as envoyé 4 morceaux. Ouais. Donc, tu m'as fait une composition 4-2-3-1, comme je disais tout à l'heure. Donc, je vais envoyer le numéro 4. Que du lourd. Que directement. Du lourd. C'est Olay, Olay. Ah ouais. Olay, toi, tu enregistres où? J'enregistre très loin. Touché VLP. Ok. Donc, ça, c'est tout du autoproduction. Exactement. Ok. Ça. Eh ben on va balancer ça directement. On est toujours dans la 25e jusqu'à minuit, comme d'hab, Chao, Jounes, émission spéciale Zama Le Pit. On envoie le son, olé, olé, c'est du VLP à fond, normal, toujours là. Easy. C'est parti les gars. Yeah. Laissez-moi, je suis pas bien dans ma tête, c'est la folie. Laissez-moi, je suis loin de tes gendarmes, j'ai le permis. On roule avec ou sans, pour moi y'a rien qui change. Et ouais, le sang, c'est vrai, je te trouve étrange. Je me dis Hamza, ouais. Radio Sud.net 101.8. Ça sent le sud hein, quand même. Hein. Olé, olé. Ça sent le sud. Hein. Olé, olé. Là, je suis déjà presque en vacances. Hein. Ah, question. Pourquoi t'as écrit olé, olé avec tes Y ? Olé, olé, olé. Le style de l'écriture. Ah, okay. Genre, ça, c'est ta réponse. C'est ça. Vas-y, j'accepte. Donc, j'en profite parce que je disais c'est du 100% VLP. Donc, je rebondis direct. VLP, c'est qui, c'est quoi, c'est où, c'est comment on fait pour aller enregistrer, comment on fait pour choper les prods. Pour entrer dans le crew aussi. C'est quoi, je vais laisser le frérot parler, il va mieux présenter que moi, je pense. Ok, alors VLP Musique pour choper les prods. Bonjour. Bonjour. Ouais. Bonjour. Enchanté. Bonjour. Donc, comment tu t'appelles? Moi, ouais. William. William, ok. Enchanté, William. Et donc VLP Musique, si vous voulez choper des prods, c'est sur VLP Musique, la chaîne YouTube. Après, pour l'enregistrement, faut me contacter sur Facebook. C'est pareil, c'est Vatos Locos Productions. En fait, VLP, c'est l'acronyme de... Vatos Locos Prod. Voilà, c'est okay. Ça, exactement. Ok. Et ainsi de suite. Voilà. Dès qu'on me contacte, après, je réponds. Voilà. Ça fait longtemps que t'es dans la prod, que t'es ouais, dans ça le... Fait des années, ça fait 13 ans. Moi. Ok. Tu fais quoi, prod, clip, enregistrement, tout? Ouais, je faisais tout, même je rappais avant, j'ai arrêté. Ok. On sait, c'était à 47, j'ai sorti deux albums. Ok. Voilà. Bra et cric. Ouais. Ouais, exact. Les chroniques, rafales verbales. Ouais, c'est ça, deux albums. Deux albums. Vous avez un son, je crois, sur... même plusieurs, je crois, ensemble sur YouTube, non? On en a un qu'on a clippé à Montpellier. Ben, on va l'écouter plus tard. Ouais. On va l'écouter plus tard. Ouais. Et puis on en a un autre en commun sur. L'album. Deux en commun. Déjà, il y en a un sur Rafale Verbal où j'avais ramené un peu tout le monde. Et puis le. Les gens de VLP Music. Comment ça s'appelle ? Nos rêves aussi sur Rafale Verbal. On avait fait en commun. Vous êtes combien sur chez VLP Music ? Bon, on est pas mal. Après, il y a des gens qui sont. Comment dire ? Il y a des gens. Là, sans être là. Voilà, c'est ça en fait. Il y a des gens qui sont motivés, il y a des gens qui arrêtent entre temps, il y a des gens qui reprennent. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça en fait. On donne après, de la force à tout le monde en fait. Voilà, après, tout le monde qui veut se lancer, on dit viens en studio, on enregistre, on voit ce que ça donne. Pas de soucis, hein. Ok. Après, sur Luxeuil, quand même, il y a pas mal de kickers. Franchement, pour une petite ville comme ça, il y a pas mal de kickers, tu vois. C'est vrai. Mani, Nice, Adil. Il y a pas mal de kickers. Ouais, il y a beaucoup de kickers pour la petite ville que c'est. Ouais, ouais. Ah. Franchement, c'est cool. Ok. Et puis, ça fait une diversité un peu, tu vois. Il y en a, ils font de la trappe. Moi, je ramène un peu le côté ambiancé, tu vois. Il y en a, ils sont un peu dans le côté classique. C'est bien, c'est. Chacun ramène sa touche, c'est bien. Voilà, ouais, c'est ça. C'est ce qu'il faut ramener sa personnalité, je pense. Donc, du coup, toi, t'es le Chug Knight de Luxeuil. En gros, vulgairement. Ouais. Entre guillemets, ouais. Elle, pardon. Voilà. Tout passe par William, ça. Tout. Donc, du coup, Def Jam Besançon, bonjour. Tu vas pas faire ta question à 10 millions. Je vais essayer de racheter VLP Productions. Voilà. Je vais essayer de les racheter. Ok. On discute business après. 10 millions. Ah, pas de souci, 10 millions on vend. Ouais, bah attends. On signe le chèque, y a pas de direct. Il a déjà signé le contrat. J'ai même pas posé la question. Pour revenir à Zama, donc Zama. Attends, il est en pleine discussion là. Vas-y, pose-moi la question, moi je vais te. Pour revenir à toi, Jones, du coup. Une petite minute pour en revenir à VLP Music. Il a quand même fait des instrus pour Gambino. Ok. Il en a fait pour l'allemand. Ouais, tu vois, la Famax aussi. La Famax, il en envoie à des frérots en Allemagne aussi. Beaucoup en Allemagne, j'ai vendu aussi pas mal. J'ai fait aussi Kingling Jim. C'est le président encore du Sud. C'est un gars de Los Angeles, il est très fort, franchement. Okay. Il est lourd. Je connais pas du tout. Ok, donc Luxeuil, mais il pèse en fait, William. on va te suivre après. Parle après l'émission, tranquille. Ouais, pour revenir à Zama, du coup, pour revenir, on va dire, en surface. Donc, tu disais pour le boulot, tu taffes dans quoi, en fait ? Est-ce que tu fais que du rap ? Est-ce que tu vis du rap ? Le rap, ça paye pas. Enfin, le rap, ça paye pas, oui, pour certains, oui, mais ouais, on va dire pas encore. Après, moi, sinon, je travaille dans un snack, tu vois. Ok. Je tiens un tacos à Luxeuil. Ok. Pour tous ceux qui veulent venir manger. Ouais. On va faire un grand partenariat. Moi, je passerai. Moi, normalement, je dois venir chez vous fin août. Ah ben, c'est rare de passer, poteau. Ouais. Avec plaisir. Je viendrai manger. C'est le VLP tacos ou on avait pensé, on voulait faire Vatos tacos. Vatos tacos. Ça existait déjà, tu me crois? Ça existait déjà. Il y avait déjà une chaîne qui s'appelait comme ça. Ah, et du coup, voilà, on charbonne, je suis à mon compte et puis voilà. Yes. Au calme, quoi. Lourd. Football ou pas football? On a parlé avec des mecs du Sud. Bon, un petit peu. Je joue au football, après, je le suis pas vraiment pour être honnête, tu vois. Ok. Mais on joue au foot. Mais tu vois qui c'est Zidane à peu près. Zidane. Ouais. Je vois de qui tu parles. C'est bon. C'est bon, génial. T'es un mec du cinéma, t'es un mec des séries, t'es un mec des mangas, t'es un mec. Manga après Dragon Ball Z. Ça, c'est la base, tu vois. Yes. Et puis série. Hier, j'ai regardé La Casa del Papel, tu vois. C'est de la merde. J'ai regardé le dernier. Franchement, ouais, le dernier, j'étais déçu. Je ne l'ai pas encore fini, mais. Ah, bah, c'est éclaté. Tiens, bah, regarde, je suis un gros bâtard. En fait, comparé au premier, ça n'a rien à voir, tu vois. Ça va craquer. C'est sûr. Après, on ne va pas faire de spoil. Hein ouais. Voilà. Moi, je peux te dire qui c'est qui meurt. Hein. Qu'est-ce qu'il y a en brouille. Ok. Petit jeu, petit texte à trous. Je commence une phrase, tu finis la phrase. C'est très simple. Hein. Je l'avais fait un peu avec CDG, mais je vais essayer de changer un petit peu. On va essayer de changer un petit peu. La réponse de Big, c'était l'homme et l'homme. C'est vrai. Voilà. Non, je vais essayer d'axer ça plus. On va commencer à parler musique tout doux. Tu vois. Aujourd'hui... J'ai écouté un morceau qui m'a mis une claque, c'était Moubarak. Moubarak. Ouais. C'est quoi, c'est quoi, Moubarak, c'est qui, c'est un artiste? Ouais, c'est un artiste. C'est un artiste que Julie produit. Ah oui, je crois que j'ai vu. Il était en featuring avec Soul King, Huss, pas mal de têtes. Franchement, ouais, j'ai kiffé le morceau. Ok. Ma pire anecdote musicale, ça a été quoi? Comme ça là, ça peut être tout, hein. Ça peut être des sons, des clips, des scènes. Ouais, un son, ouais. Je me rappelle avec le frérot, on avait fait un son. Et puis en fait, on avait envoyé un mix à un gars, tu vois, de Strasbourg qui fait des super mix. Ouais. Et puis on a eu un retour du genre, ouais, j'ai jamais vu ça. En fait, genre, on voulait un effet de voix avec plusieurs voix, okay, tu vois, pour faire un effet de groupe. Hmm. Du coup, on lui a envoyé 15 pistes. 36 pistes vocales. Il y en avait 36 en tout. Du coup, le gars, je pense, il a dû voir ça. Il a dû péter un plomb. Et puis, ouais, je pense que c'est ça là, ouais. Là, quand, ouais. On était bien rigolé. On a rigolé, franchement, ouais. C'est mort de rire, en vrai. Il vous a flingué le morceau. Ah, il nous a flingué, il nous a flingué. Du coup, il n'est pas sorti. On l'a supprimé, basta. Ok. Est-ce que... Non, c'est pas comme ça que je devrais tourner, mais... T'en as une ou pas? Ouais. Moi, j'en ai une comme ça, comme un connard. Attends, je trouve. Ah, les tiennes me font peur. Ah non, même pas, cool. Je suis juste allé sur mon Facebook, vite fait. Là, ok, tout de suite, là. Vas-y, allez. D'après ta photo de profil. Ouais. Oh, putain, elle est vieille, celle-là. Attends, j'aurais dû la changer. Devinez quels sont vos trois métiers de rêve. Parce que tu l'as partagé, donc ça veut dire que tu valides. Parce que tu sais, ce genre de truc, t'es pas obligé de le partager. Toi, si tu le partages, ça veut dire que t'as regardé, tu dis ouais, c'est bon, lourd. Tu te rappelles ou pas? Attends, j'ai partagé quoi? Nos trois métiers de rêve, c'est ouais, ça? Ouais. Quels sont nos trois métiers de rêve? Ouais. Eh non, je me rappelle pas. Honnêtement, tu sais quoi, on partage tellement de trucs. C'est toi qui l'as partagé? C'est moi, vas-y, dis-moi. Ouais, numéro 3, père au foyer. Ouais. Tu te vois comme ça, toi? Ouais. Vas-y. 2, cuisinier, du coup, vu que t'as le snack. Ouais, c'est ça. C'est bon. J'adore cuisiner en plus, tu vois, donc... Et numéro 1, mannequin pour sous-vêtements. C'est quoi ton délire? C'est un drôle de portrait. C'est quoi le projet de matos? En fait, le truc, c'est que je me suis mis au sport, tu vois, et puis je me suis dit peut-être que... Ah. Alors, je me fixe un an, on va aller tester. Moi aussi, dans un an, enfin, bref. Bref. On se verra dans un an. D'ici là, on verra. Ouais, je mettrai des grands slips. Enfin, bref. On... Si demain le rap, ça marche pour moi, je ferais... Beaucoup de dons. Inch'Allah que ça marche. Beaucoup. Inch'Allah que ça marche. Si jamais on essaie de développer la radio, on essaie de développer les choses. Pourquoi pas. Développer d'autres choses perso, t'inquiète. Tu donnerais pour qui, pour quoi ou pour quelle cause, toi? Oh, je donnerais aux plus démunis, tu vois, déjà. Pas pour ceux qui en ont vraiment besoin. Non, ceux qui en ont vraiment besoin, tu vois. Ceux qui en ont vraiment besoin. Parce que nous, on est là, on dit c'est la hesse, mais en vrai, c'est la hesse de rien, tu vois. Il y en a, ils meurent parce qu'ils ne boivent pas de l'eau. Donc voilà, tu vois. Et je pense que c'est à eux que je donnerais. Ok. Si. Ben c'est un beau combat, hein, sachant que là, il y a bientôt plus d'eau, apparemment. Ça va être encore pire, hein, les gars. Mais ça, c'est ce que tu dis là maintenant, parce que tu es un Hessman aussi, comme nous tous, tu vois. Donc, imaginons, tac, tu progresses d'un coup, on vient te dire, wesh, tu te rappelles ce que tu avais dit à Radio Sud? Ouais, bah attends, non, mais tu verras, de toute façon. Après, de toute façon, c'est les actes qu'ils font, tu vois. Ouais. C'est les actes qu'ils font. Moi, je sais qu'après, je suis un homme, je vais me faire plaisir, bien sûr, tu vois. Ouais, c'est normal, comme tout le monde. Faire plaisir à moi, ma famille, les collègues, mais des dons, tu vois, on va donner quand même. Yes. Tout le mal qu'on te souhaite. Hein. Yes. C'est ça. Jounes, t'en as une? Non. Ok. Cool, je suis malade, moi. Je suis malade. Ouais, une question que j'aime bien poser, du coup, je sais que t'es père de famille, quand même. Ouais. Ta plus grande fierté? Dis pas mes enfants. Ils l'ont déjà dit, les deux. Non, franchement, c'est ma famille, tu vois. En vrai, c'est la famille, c'est ma famille. La famille que j'ai construite et tout, c'est ça le meilleur, tu vois. Tu les as emmenés à Luxeuil avec toi ou... Oui. Yes. C'est ça. Et d'ailleurs, je me demandais, c'est qui le petit là qui chante avec toi là? Il y a un clip, tu chantes avec Alors un lui, petit. C'est Badri. Badri, voilà. Ouais. C'est un petit, franchement. Parce que pendant un instant, je cherchais, tu vois, sur le. Bah lui, le non, petit, là, bientôt, on le produit sur un nouveau son avec moi. Et c'est la Masia, VLP. Et puis sur les prochains sons, il sera tout seul. C'est un petit, il a 9 ans. Okay. Tu vois, il a 9 ans, il est encore. À 9 ans, tu vois, CM1, CM2, je crois. Ouais. Pas à l'école. Sur la... Non, CM2, l'année prochaine, il passe au collège. Ouais, mais qu'est-ce qu'un enfant de 9 ans raconte? Quand t'écoutes le son, franchement, t'écoutes, tu vois qu'en fait c'est un texte très famille, tu vois. Ouais. Après le texte, si tu veux, c'est on l'a aidé à l'écrire. Voilà, je voulais demander. Je l'ai beaucoup conseillé pour l'écriture. Et je l'ai beaucoup conseillé sur la façon de le chanter et tout ça. On s'est beaucoup entraîné et à la fin ça a donné le résultat là, quoi. Franchement, un des meilleurs sons que j'ai fait. Ah ouais. Ouais. Du coup, pareil. Moi, j'arrête un peu les textes à trous là. En regardant sur ta chaîne, en essayant de chercher les sons, je trouve qu'il y avait plein de sons un peu ambiance entre guillemets Jules, tu vois, du tempo, du vocodeur, le sud, ouais, tu vois, c'est ça. Et à côté, il y avait, je crois, une instru sur, ça devait être les choristes ou un truc comme ça, vraiment du rap, mais du Crimino, rap. Ouais, c'est ça. En featuring avec Diff. C'est ça. Ouais, c'est ça là, ouais. Et après, je me suis posé la question, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi son style de rap, tu vois? Bah en fait, moi, mon style de rap, honnêtement, c'est le style qui va t'ambiancer, tu vois. Ok. Je vais pas écouter un son type trap qui va plus tendance à. Bloquer. Entre guillemets, m'énerver, tu vois. Moi, je suis plus un gars qui va s'ambiancer, rigoler, la joie de vivre en quelque sorte, tu vois. Ok. Donc, pas Medine, pas Kerry James. Si, j'écoute un peu quand même. Après, on reste quand même dans l'actualité, tu vois. Ok. On essaie d'écouter un peu, mais ouais, je suis plus type ambiancé, quoi. Tu rappes depuis quand? Depuis quand? Je rappe depuis 2007. J'ai commencé. 2007. Ok. En fait, 2007, j'ai commencé. Après, ouais, j'ai fait mon premier son, je pense, en 2009. Ok. Tu vois. Et puis voilà, on est là. Mais avant, quand tu as commencé à rapper 2007-2009, il n'y avait pas cette mouvance de. Non. Tu faisais quoi comme. C'était quoi? C'était du rap. Ok. Tu vois? Rap. Après, ça restait toujours dans le type sud. Beaucoup rapide, beaucoup de débit, tu vois. On ne laisse pas beaucoup de blanc et tout ça. Donc, ouais, c'était du rap. Même quand je suis arrivé ici à Luxeuil, hein, c'était du rap que je faisais encore, tu vois. Les premiers sons que je faisais avec William et tout ça. Les premiers sons que j'ai fait avec Fousi et tout ça, c'est du rap. Et puis après, je suis parti dans un autre délire. Jules, il est venu, il a foutu le bordel partout. Non, Jules, il était déjà là avant. Il était déjà là avant. Mais ouais, ça m'a plu, quoi. Ouais. Ok. Écoute, le deuxième morceau, moi, que je voulais envoyer, c'était le freestyle. Allez. Le freestyle, mais celui-là, du coup, c'est du rap. Là, c'est si du je rap, me trompe pas. Ok. Ouais. Donc, Jules, ouvre bien tes oreilles, tu vas voir que c'est pas du... Tu vois. C'est pas du Joule, comme tu dis, tu vois. ouvre tes oreilles, on va mettre le son là, dans le studio. On est toujours dans la 25e jusqu'à minuit. Il est 22h33, l'émission spéciale Zama le Pit. On envoie le freestyle 3, c'est ça? C'est ça, mon freestyle frérot. 3, Zama voilà le Pit. Ça, yes. Qu'on les régale un peu, là. On régale. Hein. Toujours. Viens nous voir, okay. On t'accueille. VLM. C'est le pito Mike. Je débarque avec l'accent. Ok. Le sang de la veine. Ouais, ça va être mon peul. Taki Kaluxeuil. Viens nous voir, on t'accueille. C'est le pito Mike. Je débarque avec l'accent. Sors le casque, le catin. Quand je débarque, tu te détends. Au calme, entre couze. On serre les coudes. La malchance nous épouse. La martel à la paillade. Ouais, c'est le cartel. Les petits jouent les rebelles. Les petites, elles font les belles. Regarde, c'est les belles. Le petit pistolet et dégaine le pistolet. Mando coup, c'est la folie. Pour rire, c'est fait pistonner. On veut finir pavillonné. Nos rêves sont brisés. Faut se refaire avec un gros si par l'aura. Si t'insistes, c'est un gros coyant, c'est clean. On est les terres, on veut le Brinks. Un peu comme Gaïa. On fout le feu, on les caillasse. Ça tape pour le territoire. Dans la bouche, comme des rasoirs. La rue, c'est un abattoir. Quand tu te balades, tu rases les murs. T'es pas capable de chez toi. C'est l'heure de la pluie, ça fait du temps sur mesure. C'est Vatos Loco. T'inquiète, la belle est dure. T'inquiète, mental dur. Vous aussi, je me fais un pur. Ouais, j'envoie que des rafales. AK-47 à la prod, il me régale. Puissant comme Erdogan, frérot, faut que tu savoures. L'argent n'a pas de saveur. Il ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. C'est pour ça que les petits trébuchent. Trop marin qu'on patine. Trop marre, on le baratine. Désolé, j'ai pas le time. Le rap, on passe time, la vérité. J'aime pas ce type qui bicrave des pastilles. Mec du sud, ouais. Ouais, pour moi c'est pas 6. Poser dans le quartier, ça se fait des passes à 10. Les MC, je les prends par 10. Faire le 3 fois 6. Faire du rap trop facile. Je jambe terre aux îles. J'ai un pull passé vite, j'maquillais jusqu'au fil. Le pute, il te calcine, la prod, j'l'assassine. Va dire à l'assassin, ici. On monte à pied chez nous. Pas d'ascenseur. Et pourquoi tu parles sur nous? Et plutôt le cul de ta sœur. Coup de taser à 300 sur le Pfizer. Frérot, j'vais chez toi. Ouais, tu me connais pas, j'te laisse croire que j'ai plus les jaloux pas quand j'ai bite. Ouais, tu sais c'est qui? C'est dans moi le pute. C'est dans moi le pute. Radio la 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio-Sud.net 101.8. On est toujours avec Zama le Pit dans la 25ème. Donc là, on parle rap. Là, on parle rap. Du coup, et j'avais une question qui m'est venue là pendant que j'écoutais. Tu préfères avec ou sans autotune, toi? Avec un vote de une pour moi ou genre on va déjà dire pour toi et surtout pour toi. Pour moi, je préfère avec autotune. Ok. Ouais. Et vas-y, tu vois. Ouais, je peux parler. Ouais, ou pas, vas-y. Mais pourtant, tu chantes pas. Enfin, tu chantes pas aussi. Tu chantes pas. T'as pas de forcément de mélodie. De... Non. Mais quand même avec autotune. Ah, quand même avec autotune. Parce qu'en fait, si tu veux l'autotune, tu pousses sur les dernières notes, tu vois. T'allonges les notes. Et puis du coup, c'est là où l'autotune y joue, tu vois. Il rectifie ta note. C'est un petit peu ça, ouais, c'est ça. Vas-y. Écoute, on va passer un petit peu dans les questions point de vue, anecdote, tout ça. Argent, un peu plus tard. Argent. Tu dois nous faire un chèque à la fin, t'as dit. Aïe. Moi, quand on parle de rap à Montpellier... je vois plusieurs visages, enfin deux particulièrement, et puis je voulais savoir un peu ce que t'en pensais, si tu validais ou pas, si tu connais ou pas, tu vois. Oui, dis-moi. Le premier, c'est Joke. Ateyaba. Joke qui est devenu Ateyaba. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est ton style? Est-ce que c'est ton délire? Est-ce que pas du tout? En fait, ouais, c'est pas trop mon style en moi, mais je valide à 100%. Ok. Tu vois, il arrive avec son délire à lui. Franchement, il a tout pété. Il a fait croquer des mecs du quartier. Il a fait croquer le frérot il tout. Tu vois, de la paillade là-bas. Non, franchement, ouais. Ok. Je valide. La paillade, d'ailleurs, la paillade. La paillade, c'est quoi? La paillade, c'est quoi en fait? Un grand quartier. Ouais. Ok. T'es de là-bas, toi, ou non? Non, pas du tout. Non. Okay. Non. Okay. Moi, je suis de la Martelle. Ok. C'est un autre quartier de. C'est un autre quartier de Montpellier, c'est ça. Okay. Ouais. Okay. D'accord, je demandais comme ça, hein, je suis pas très fort. Je peux partir tes vacances Ouais, non, parce que j'étais allé à Montpellier. Enfin bref, c'est une autre histoire. Donc je t'ai parlé de Joke Ateyaba, et l'autre c'est complètement différent. Andy Delors. C'est La Craps. Ouais. Ah, 100%. On était en train de l'écouter en venant, ouais, tu vois. Lourd, ok. On écoutait ses freestyles, ouais, La Craps, c'est du rap, tu vois. Ok. C'est du rap. Et si tu devais mettre un mec de Montpellier en avant, ce serait lequel, toi? Un mec que t'apprécies, qui vient de chez toi, et tu vois? Que j'apprécie, qui vient de chez moi, franchement, ça serait un petit jeune de Paul Valéry, Soyou. Soyou? Ouais, petit jeune de Paul Valéry, Soyou, franchement, le petit... il régale. Franchement, okay. Il régale. Tu vois et sur le Soyou, chat... après, t'en as plusieurs, il y a aussi Iltou. Ouais, Iltou, c'est quoi le son Kaira Land là avec Joke? Ouais, c'est celui-là. Ça. Ouais, okay. C'est ça, ouais. Iltou, le frère, ouais, lui aussi, il est très très bon, tu vois. Après, t'as ouais, La Craps, c'est la folie. Après, t'as La Sentence, c'est un peu plus vieux, tu vois. Ok. La Sentence, c'est vraiment les tout premiers de Montpellier pour moi, tu vois. La Sentence, c'est 34 Malfrats. C'est les tout premiers de Montpellier. C'est eux qui même m'ont donné presque envie de rapper, tu vois. Ok. À l'époque, il y avait eux. Ok. Et sur Luxeuil? Sur Luxeuil, un seul nom. On va dire 70, allez, dans le 70, on va dire. On va regarder bizarre, là. Ah, la bagarre. J'en ai un, il va rester à Bezac. Dans le 70, franchement. Allez, tu nous donnes, on va dire trois noms. Trois noms? Si tu devais mettre en avant trois mecs du 70. Bah, franchement, honnêtement, je pense que ça serait... l'équipe CDG, tu vois, okay. L'équipe CDG qui font pas mal de concerts, pas mal de sons, il y a des clips qui arrivent. franchement, ouais, eux. Ensuite, t'as le frérot Giannini, tu vois. De toute façon, tu vas l'écouter après avec moi, yes. Ring, c'est une folie. Yes. Tu vois. Après, t'as le petit Mani. Hein. Ok. Tu vois, ceux qui sont autour de moi, en fait. Ok. Est-ce qu'il y a... plus que trois, hein. Non, mais hein, il a été malin sur... Ouais, malin. T'inquiète, il a bien calculé son truc. Escroc. Moi, ce que je me demandais aussi, c'est à Montpellier, t'étais solo ou t'étais en groupe? Parce que du coup, quand t'es arrivé à Luxeuil, t'es arrivé, il y avait entre guillemets la structure qui était déjà bien en place. T'es arrivé, boum, boum, boum, boum, tout s'est enchaîné. Mais quand t'étais à Montpellier, est-ce que c'était comme ça? Est-ce que t'avais une structure derrière toi pour te pousser? Est-ce que, tu vois? En fait, j'avais un collègue à moi, Djajo, qui lui me faisait enregistrer chez lui, tu vois. Après, plus tard, il a déménagé sur Paname. Donc, je te dis ça, j'avais 16 ans peut-être. Mm-hmm. 16 ans, 17 ans. Il a déménagé sur Paname. Du coup, il n'y avait plus personne. On partait à la maison pour tous à la paillade là-bas. Tu vois, il y avait un studio en fait où il y avait vraiment tous les petits jeunes rappeurs de Montpellier. Ils venaient, on faisait des freestyles ensemble et tout. Ça, c'était pas mal aussi. Mais sinon, non, quelqu'un comme aujourd'hui, genre un peu comme William aujourd'hui, non, il n'y en avait pas à Montpellier. Ok. Tu vois. Salut, je suis le patron de Def Jam Besançon. Il commence. Cool. Parce que là, on parle d'équipe. Et comment son bordel. Non, mais on parle d'équipe, tout ça. Bon, voilà, je te dis, écoute, je veux te signer. Je te donne 1 million, mais je veux plus entendre parler de ton équipe, là. On y va, on y va pas. Je te dis, prends, hein. Ouais, bon, ok. Prends. Moi, je pense que je te mettrai une petite asba, tu vois. Non, mais non, il n'y a pas de ça. Non, on fait un gros contrat, ouais. Ficeler sa mère bien, tac, tac, tac. Les bons avocats. Maître Spline. Non, c'est en fait, c'est quoi, j'ai envie de te dire quoi, moi. J'ai envie de te dire quoi. Bon, une amitié, ça vaut pas 1 milliard d'euros, tu vois. Quand t'es un bon ami, ça vaut pas 1 milliard d'euros. On a juste 1 million, nous, là. Mais quand t'as les billets devant toi, c'est pas pareil, les autres, tu vois. T'as tu peux ramener après les gens, après, c'est ça, ce que j'aurais fait. C'est ça, exactement. C'est ce que j'aurais fait aussi, tu vois. Je prends le contrat, non, puis on le fait contrat, croquer les fous. Le contrat, c'est tu signes 1 million, mais je vais plus entendre parler de ta bande, là. Tu t'arrêtes tout ça, tu arrêtes maintenant. T'arrêtes tout ça, tu et tu signes ou tu signes pas, tu prends ou tu prends pas, c'est ça ma question. Non. Peut-être que je. Peut-être vous allez me prendre pour un menteur, mais non. Je signe pas. Ok, donc tu prends pas. Ouais, je pense que ma vie, elle changerait trop, tu vois. Ok, ça marche. Je reviendrai. Le fait de boycotter ça, ça se trouve un peu boycotter la famille, un peu boycotter ici, tu vois. Mm-mm. C'est pas la peine. C'est pour être malheureux après. 1 million d'euros, dès que ça reste. Bon, à part. C'est quoi ton chiffre? C'est quoi ton chiffre? On a tous un limite. Chiffre. Ouais, limite. Un chiffre. Après. Moi, à partir de 10 après, millions, il n'y a voilà. plus. Tu vois, on peut dire ça. Fais une croix sur tout. Ah, ouais. 10 millions, il n'y a plus de William, il n'y a plus de VLP Music. Okay. C'est fini. Il n'y a plus de femmes, plus d'enfants, et rien, les gars. Non, je rigole. Maintenant, ce soir, je rigole. Non, mais c'est quoi ton chiffre réellement? 10 millions. 10 millions. 10 millions. Ok. Ok. Ça marche. Bon, merci DFB. DFJM Besançon, ouais, je reviendrai plus tard. Non, c'est DJB déjà. Bref. Moi, j'avais une question sur le Sud, parce que là, ton accent, là, il me fait voyager dans le Sud, tu vois. Moi, je vois pas du tout Luxeuil, tu vois, quand je te regarde. Donc, c'était... est-ce que dans le Sud... je sais pas, nous, on a un délire ici où il y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'on vient de Besançon, de Luxeuil, de Vesoul, on ne peut pas péter. Tu vois, on est obligé de sortir de chez nous, d'aller chercher les gens, de se déplacer pour nous faire connaître, entre guillemets. Tu vois. Est-ce que chez vous, c'est inconcevable de penser comme ça? Ou est-ce que Montpellier, parce que non, tu vois, je vois, il y avait Marseille... Tu vois, le Sud, on parle rap, on va dire Marseille direct, tu vois. Et il y a Montpellier, et il y a peut-être... Il y avait Nîmes à une époque avec les gens d'Urbaine, tout ça. Mais est-ce que au final... non, est-ce que tu penses que j'ai tu envie peux... de te dire, on pense un peu comme vous, hein. Ok. Nous, à Montpellier, en rap, vous avez, tu vois, on n'a jamais vraiment entendu quelqu'un de Montpellier qui a percé, tu vois. À l'époque, peut-être Jamel Mektoub. Ah ouais, exact. Qui avait fait un featuring avec Soprano et tout ça. Yes. Mais autrement, c'est un petit passage. Ouais. Voilà, un petit passage, comme tu dis. Ouais. Autrement, franchement, Montpellier, voilà, tu vois. Okay. Du coup, on pense un peu pareil. Okay. Tu vois, on s'est dit, peut-être faut partir sur Paname, peut-être faut partir sur Marseille. Parce que voilà, tu vois, faut pas croire que parce que c'est Marseille, c'est à côté, que les Marseillais vont faire croquer les Montpellierains. Hein. Tu vois, c'est pas ça. Ok. Et est-ce que, à part VLP, est-ce que tu fréquentes d'autres studios dans le coin ou tu fais tout exclusivement là-bas? Non, je fais tout chez le frérot, tu vois. Ok. Oui. Moi, j'avais une question niveau clip. Niveau clip, je regarde tout ça, mais pour moi, je me dis, avec tous les gens qu'il y a en ce moment, tu vois, qui font des clips, est-ce que ça te dirait pas de, entre guillemets, monter en gamme dans tes clips, avoir, je sais pas, peut-être un mec différent pour te clipper et que ça te mette un peu plus en valeur? Parce que, tu vois, moi, quand je regarde les clips, je me dis, même moi qui suis pas fort en montage vidéo, tout ça, je pense que je peux faire un clip à peu près. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, ouais, tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où, est-ce que d'un côté, oh, je m'en fous, tu vois, après, je fais mon clip vite fait, tac, tac, tac. On n'est pas spécialiste dans le montage des clips, tu vois. Okay. On fait ça en fait. Ouais. On fait ça nous-mêmes. Voilà, c'est ça que je me. Et puis, on apprend petit à petit. Hein. Plus on monte nos clips, plus on apprend dessus, tu vois. On apprend à faire des effets, on apprend à faire ci, à ça. Mais c'est vrai que le visuel, c'est important. Et puis, aujourd'hui, hein. Justement, là, j'essaie de contacter un gars justement pour me monter un clip, tu vois. Okay. Moi, je vais essayer de lui faire les prises de vue, puis lui va me faire le montage, voir ce que ça donne. On va essayer de bosser ensemble, voir ce que ça donne. C'est compliqué comme ça. Tu vois ? C'est compliqué, tu sais, quand t'as pas fait les prises de vue, de retrait derrière, c'est bizarre. Ouais, après, ça se fait, tu vois. Ça se fait, puis il y a des choses propres qui sortent. Hein. Mm-hmm. Tu vois, j'ai un collègue, moi, ben, Mox. Tu vois ? Ouais, Mox, lui, il fait ses prises de vue. Il envoie ça à un collègue à lui, c'est un super monteur. Okay. Et puis, franchement, il te sort des clips. Il est bon en prise de vue aussi. Après, il est bon en prise de vue. Ouais, faut dire ce qu'il est. Le frérot, il aime bien le joli paysage. Il fait attention aux détails, tu vois. Parce que, comme tu disais, VLP, comme disait William, le visuel, aujourd'hui, c'est primordial. C'est presque plus... Ça passe devant la musique. Et je me dis, tu vois, le morceau que t'as passé, Olé Olé. Mais gros, tu fais un clip de l'été, tu vois. Le clip de l'été, tu vois. Mais je pense que c'est un truc avec un bon clip, ça pourrait vite monter. Monter, tu vois. Non, tu vois, après, ça reste que mon avis. Hein. Mais t'as raison, ton avis. Non, mais c'est vrai, t'as raison, tu vois. Le visuel, c'est très important. Et puis après, nous, on fait avec nos moyens, tu vois. Okay. Voilà, tu vois, on fait avec nos moyens. Mais ça peut aussi percer avec leurs moyens. Hein. Ouais, ouais, bah, y en a. Tu sais, sur des malentendus, il y a des trucs qui pètent. Hein. C'est vrai. Ouais, des fois, avec des clips plus simples, des fois, ça arrive que ça. Ouais. C'est fait par vous, pour vous. Donc, c'est la base. Il y avait une intervention de Ziv. Là, je vois Ziv comme ton avocat. Ouais, Ziv, il arrive juste comme ton avocat. Juste, il lui parle à l'oreille. Non, il m'a parlé de Ibra Brahms. Ouais, il est cool. Il est bien le clip. Tu vois, ouais, franchement, au niveau montage, prise de vue, le gars, il est fort. Hein. Faut dire ce qu'il est, tu vois. Ah, il est là, bravo. Je le recommande fortement. On a une petite discussion à 6h du matin, ce matin. Enfin, bref. Big up, Brahms. Big up. Brahmso, si tu nous entends, ça vient de la tête. Ça vient de la tête. tu sais quoi, je pense que je vais repasser un petit morceau. Avant de passer aux prochaines questions. Allez, ça te dérange pas. Pourquoi? 4, 2, 3, 1, on est au 3. Mais le prochain, c'est en featuring avec William, tu vois. Ok, donc c'est AK-47, on fait... No buy, c'est ça. Donc on est toujours dans la 25e, Zama Le Pit, on vous envoie le son On fait No buy avec AK-47, a.k.a. Vatos Locos Productions. D'ailleurs, si vous voulez choper des prods, tout ça, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne Vatos Locos Prod. VLP musique, exactement. Je fais mon AK-47, tu vois. Besoin de personne, on fait nos bails ou bails seuls. Les jaloux qui gagnent, on leur dit bye bye, ils gueulent. Ils nous croient pas capables et on a trouvé la faille. Ils aimeraient nous voir sur la paille. Besoin de personne, on fait nos bails ou bails seuls. Les jaloux qui gagnent, on leur dit bye bye, ils gueulent. Ils nous croient pas capables mais on a trouvé la faille. Ils aimeraient nous voir sur la paille. Besoin de personne, on fait nos bails ou bails seuls. Les jaloux qui gagnent, on leur dit bye bye, ils gueulent. Ils nous croient pas capables et on a trouvé la faille. Ils aimeraient nous voir sur la paille. Besoin de personne, les jaloux, rien qu'ils me sonnent. VLP, on calcule personne. On n'a pas le temps, on veut des grosses sommes. On n'a pas le temps, t'es devant nous, on t'assomme. Personne nous empêchera d'atteindre le sommet. Ils ont la rage, ils ne trouvent plus le sommeil. Ils essaient de suivre, c'est à pied que je les sème. VLP, on reste les mêmes. Data cerise avec un grand pétou. J'suis bien, je m'en fous de tout. Besoin de personne dans le sens et nous on fait tout. Besoin de personne dans le sens et nous et c'est tout. Ils veulent nous rendre fous, rien qu'ils pensent sur nous. Devant sa folle, il fait le voyou. Et quand il est seul, il a besoin de nous. J'suis pas ton frérot, je veux pas ton védo. M'appelle pas le sang, t'es pourri comme mon poumon. Je fume de la frappe, tu fumes du goudron. Il veut se marier, elle veut son pactole. Il va se faire péter par sa grosse folle. Y'a que des folles, folles, folles, folles. Y'a que des folles, folles, folles, folles. Y'a que des folles, folles, folles, folles. Y'a que des folles, folles, folles, folles. Besoin de personne, on fait nos bails au bail seul. Les jaloux qui guettent, on leur dit bye bye eagle. Ils nous croient pas capables, mais on a trouvé la faille. Ils aimeraient nous voir sur la paille. Besoin de personne, on fait nos bails au bail seul. Les jaloux qui guettent, on leur dit bye bye eagle. Ils nous croient pas capables, mais on a trouvé la faille. Ils aimeraient nous voir sur la paille. Besoin de personne, on fait nos bails au bail seul. Les jaloux qui guettent, on leur dit bye bye eagle. Ils nous croient pas capables, mais on a trouvé la faille. Ils aimeraient nous voir sur la paille. Pas les ragots, grande gueule, tu parles trop. Les rageux parlent dans le dos, je les regarde dans le rétro. On avance au merco, les jaloux en twingo. On encaisse les euros, ils touchent leur ticket resto. Ils se font rares les poteaux, surtout ceux qui sont loyaux. Trahison, jalousie, alors je marche en solo. Jalousie pour une go, jalousie pour deux roues. Porte l'œil sur l'auto, rien en face ou dans le dos. Jalousie pour une go, jalousie pour deux roues. Porte l'œil sur l'auto, rien en face ou dans le dos. Hypocrisie, jalousie, rien qui rage à ce qui paraît, on m'a dit, rien qui parle. Maladie, mythomanie, t'es que dalle, oui, t'as fait ça, t'as fait ci. Rien que tu parles, tu parles, tu parles, tu parles. Rien que tu parles, tu parles, tu parles, tu parles. Besoin de personne, on fait nos bails ou bails seuls. Les jaloux qui guettent, on leur dit bye bye eagle. Ils nous croient pas capables, mais on a trouvé la faille. Ils aimeraient nous voir sur la paille. Besoin de personne, on fait nos bails au bail seul. Les jaloux qui guettent, on leur dit bye bye eagle. Ils nous croient pas capables, mais on a trouvé la faille. Ils aimeraient nous voir sur la paille. Besoin de personne, on fait nos bails au bail seul. Les jaloux qui guettent, on leur dit bye bye eagle. Ils nous croient pas capables, mais on a trouvé la faille. Ils aimeraient nous voir sur la paille. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. La 25e, l'émission spéciale Zama le Pit ce soir jusqu'à minuit. Il est 22h52. Toujours là avec Juju, avec toute l'équipe. Ici l'équipe. Pourquoi le Pit ? Parce que le Pit. C'est vrai ça. Pourquoi le Pit ? Plus qu'un autre en fait. Hein ? J'aime pourquoi bien pas le rot ou pourquoi non, pas. J'aime bien la race ici. J'aime bien la race. Ah, là on parle de canin, c'est le pit pour le chien. Le pit, ouais. Okay. Qu'est-ce que okay. T'allais dire toi encore ? Encore Brad le pit, Brad. Ah, ça allait, j'allais dire coq le pit, tu vois, coq pit. Fake, fake. Allez, allez, je suis en spectacle demain soir. Fake, fake, fake. Non, moi je voulais parler un peu, on va dire, comment tu vois le rap ? Comment tu vois le rap ? Déjà, ce que j'aime bien poser aux invités comme question, c'est pour toi, quelle est ta période d'or, d'âge d'or du rap français ? Franchement. Ou est-ce que tu as des artistes qui signifient ou qui symbolisent l'âge d'or du rap français pour toi ? À cette époque-là, maintenant, tu vois, pour moi, c'est Jules. Ok. Tu vois ? Actuellement, après, à l'époque, c'était plus, franchement, NTM. Ok. Et toi aussi, NTM ? NTM. Oh, pareil. Moi, je sais qu'à l'époque, je partais en collège, j'avais encore les radios CD. Yes. Tu vois, écouteurs, tout ça, c'était NTM, un petit peu de LIM. Yes. Durof aussi. La Ferté voilà. Des Nôtres. Voilà, ouais, c'est ça, la ouais. Ferté des Nôtres. Ouais, ouais, ouais. Beaucoup, beaucoup la Ferté des Nôtres, ouais. T'as quel âge, toi ? Je t'ai même pas demandé. 28 ans. 28, ok. 2007, ok. 90. D'accord, ouais, très bien, très bien. Ok, donc c'est bon, c'est bon, je suis content, ça me fait du bien, ça a réchauffé mon cœur. Pourquoi ? Non, parce que des fois, tu vois, des fois, je kiffe l'invité et quand j'entends ses références, tu vois, ça, je l'aime toujours, mais ça me chiffonne un peu, tu vois. Qu'est-ce que tu disais, toi ? Qui c'est qui t'a déçu comme invité ? C'est pas moi non, à l'émission de ce soir. Pour moi, t'as dit des fois ce qu'il fait inviter, mais quand j'entends ses références, je... On en parlera. Non, vas-y, on en parlera. On veut tout savoir. En vrai, tu vois, déjà, on a le même âge, tu vois. On a le même âge, on a les mêmes références. Et il y a plusieurs fois où je me dis, c'est en fonction de l'âge des gens que les références... tu vois, t'as commencé à écouter du rap à, je sais pas, 13 ans. Ouais, ouais. Donc ça veut dire que quand t'avais 13 ans, c'était... c'était Rof qui passait, machin. À fond. Et forcément, quand on n'a pas le même âge, ben ça change, voilà. Ouais, c'est sûr. Ouais, et j'ai eu un grand débat dans une autre radio, à Radio Campus. C'était, ils avaient invité trois gars de générations différentes. Et c'était, pour toi, quel est l'âge d'or du rap français ? Ouais. Et là, c'est parti dans tous les sens, tu vois. Et moi, j'étais avec... il y avait Edinho, qui pour moi, c'est... Tu vois, c'est comme mon petit frère, tu vois ce que je veux dire. Et des fois, il sortait des trucs et tu vois, j'ai dit, ah ouais, d'accord. Donc, on est pas encore de la même génération, tu vois. Et pourtant, t'inquiète, tu vois, il connaît bien le truc, il connaît bien le rap, tout ça, tu vois. De toute façon, c'est par rapport aux générations, tu vois. C'est sûr. Ouais, puis après, ça dépend de la question. Par exemple, on dit l'âge d'or du rap français. Après, si on parle au niveau chiffres, à l'heure actuelle, ils vendent beaucoup moins que ce qu'ils vendaient avant. Tu vois. Tu parles des artistes qu'on a cités là. Toi, c'est beaucoup du streaming. Tu vois, par exemple, ça dépend de la question, comment on la tourne. Après, c'est sûr que l'âge d'or du rap français, pour chaque personne, elle va correspondre un peu à son ado. C'est ça. Et qu'est-ce que tu détestes là, tout de suite, aujourd'hui, en rap ? Le truc que tu peux pas. Ah, moi, cobalader. Ouais, pas cobalader. Franchement, c'est ça. Cobalader. Ah, j'en peux plus. Non. J'en peux plus. Franchement, c'est trop. Salut, okay. C'est. Il me tue. il me flingue, lui. Je suis patron de Def Jam Besançon. Il est de retour. Je reviens, j'ai oublié. Cobalader, franchement, quoi. Je suis là, j'ai une mallette de 2 millions. Je te dis, t'arrêtes tes conneries. Tu signes chez moi, mais tu fais que du cobalader. Ouais, vas-y, je veux bien. Je signe pas. Vas-y, pourquoi pas. Ok, ça marche. On signe direct. Tu signes direct. Ah, c'est 2 millions. 2 millions, hein, 2 millions d'euros, je te fais du cobaladé. En plus, c'est facile. Non, après, c'est compliqué. Enfin, au moins, il a un mérite, c'est d'avoir un style bien à lui. Ouais, bah oui. On lui laisse. Exactement, on lui laisse. Tiens, prends. Oh ouais, je sais pas, je vais voir un proche malade pour pleurer un petit peu, puis je vais en studio, tu vois. Et c'est parti. Il est mauvais. Vas-y. Ok. Tiens, pour parler de rap actuel, pour toi, est-ce que là, dans la direction qu'a pris le rap, là, est-ce que pour toi, on part dans une bonne direction ? Est-ce que tu valides ? Et est-ce que, je sais pas, est-ce que ce qui passe en radio, tu kiffes ? Est-ce que... Bon, franchement, je valide parce que ça va avec le temps, tu vois. Mais honnêtement, il y en a beaucoup, franchement, quand j'entends les paroles. C'est au niveau des propos. Au niveau des propos, tu vois. Au niveau commercial, même, on valide parce que ça fait que c'est des buts très commerciaux. On sait qu'il y a des enfants qui écoutent ça, tu vois. Moi, ça se trouve, ma fille, elle va écouter ça. Et je veux pas qu'ils soient influencés par ça, tu vois. Et puis, on sait que le rap, ça influence beaucoup les jeunes maintenant. Tu vois, que ce soit style vestimentaire, tout. Yes. Même les lieux de vacances, tu vois. Yes. Ils vont voir les rappeurs en Thaïlande, ils ont tous envie d'y aller, tu vois. C'est vrai. C'est vrai. On va parler projet. Parce que tout à l'heure, tu parlais des projets avec AK-47, tout ça. Mais toi, t'as sorti des trucs ou c'était juste, t'étais en mode, je fais des petits sons par-ci, par-là? Pour l'instant, je suis en mode, je fais des sons, tu vois. Ok. Après, moi, je pense que je suis pas assez productif pour l'instant, tu vois. Ok. Je suis pas assez productif, je suis beaucoup pris par mon travail. Oui. Donc, après, les choses font que, mais je commence à accumuler pas mal de sons. Je pense que dans les mois à venir, on va essayer de sortir une petite mixtape, net tape aussi, tu vois. C'est mettre sur Spotify, Deezer, tous les sites de streaming. Et puis voilà. Ok. T'as déjà des morceaux à gauche, tout ça, pour les projets? Ouais. T'as déjà un nom de projet ou... Non, j'ai pas encore pensé au nom de projet, tu vois. Mais ouais, j'ai déjà des sons à droite à gauche, de côté, on va dire, tu vois. À droite à gauche, il a dit. À droite, à gauche. C'est ça, tu vois. Donc, Belek. Un dans cette poche, un là. Juju, est-ce que t'avais une petite question? Non, moi je suis plutôt négatif ce soir. Ouais.